Nam Sung-woo, vice-président du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidents au Japon, a publié le 24 un entretien contre le crime des autorités sud-coréennes qui ont kidnappé collectivement les citoyennes de notre République. En voici le résumé. Le dernier kidnapping est un complot ultra-géant délibéré contre la République populaire démocratique de Corée, organisé avec le but lâche de ternir son image et de soulever à nouveau le vent du Nord pour les élections parlementaires. Tous les faits montrent que les autorités sud-coréennes sont l'auteur de la violation des droits de l'homme unique dans le monde et la bande des traîtres à la nation. Les autorités sud-coréennes doivent immédiatement prendre toutes les mesures pour que les familles des victimes se rendent comme elles veulent à Séoul pour rencontrer leurs filles et accepter les critiques de la nation et de la conscience du monde pour présenter les excuses dont l'enlèvement collectif sans précédent et renvoyer sans condition les filles du Nord. Si elles cachent toujours le dernier crime et détiennent les citoyennes de notre République, elles seront condamnées par tous les Coréens et la communauté internationale.